Le comité préparatoire du territoire maritime de Russie pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektusan 2017 est constitué le 18 juillet. Il a décidé d'organiser diverses cérémonies politiques et culturelles en l'honneur des exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, et de dynamiser les activités de solidarité en faveur de la juste cause du peuple coréen.